qu'on vienne pas me dire que c'est ma faute. Toi la misère tu l'as fait à d'autres. Pas d'avenir c'est la rue qui m'adopte. J'ai rien faire d'autre, le rap tu m'adopte. Ne viens pas me proposer de la corde. J'ai plus de travail pourtant on m'a dit. Sans ça je pourrais me faire mettre à la porte. Maman, papa, tout le monde radie. Demande à Wari, y'a pas un radis. Ça se met du doule sur le route du Dallas. Charbonneur, pas tomber le bougeau. Y'a trop de loups derrière qui ramasse. Un 3-5 bel air, roue arrière. Capote ça fout tout en l'air. Nique sa mère, on fait comme on peut. Tout travail mérite salaire. Les messages du quartier, les salles du quartier. Blabla, ça sert à dire. Mets tes gants, mets ton roof, te cache, te couvre. Je suis là si un jour t'es seul dans le gouffre. Pas assez de menacer. En plus, toi tu fais rien. Après, tu fais trop le mec. Viens te zapper, mes cousins. J'ai vu te faire claquer. Je t'ai fait confiance et tu m'as trahi. Elle est belle la France, pourtant tu l'as salie. Pendant qu'on rigole, ils font des analyses. Mettre mon frère en tôle pour soi-disant les canaliser. La galère fait l'homme, la richesse fait l'âme. Bien souci, un manque de love. Paix à leur âme, c'est pour nos morts, les tiens et tous les autres. Serein, on a la hargne, on veut vaincre. Un art de dingue, plus pratique et pas besoin de seringue. Si t'es trop sincère et te censure, c'est pas censé, mais avancer pour nous c'est dur. Ça fait mal quand tu serres la ceinture. Je m'évade avec mon art, ressens le simple d'une corde à mon arc. Je remarque que ça jalouse de celui qui démarque. Démarche, on en a raté. Sauter des étapes, c'est banal. À 9 ans déjà hydraté. On a grandi trop vite, malchance et galère oblige. Bien ou mal, ça va trop vite, c'est qu'une fois enfermé que tu piges. C'est pas une vie, le liquide c'est le litige. Un manque d'argent riche en souci, mon art te sert de coton-tige. Mes dealers sont, mais des coups pour des loucèmes. Les clés studio lance sa sème. On sent les faits seuls. Le GP c'est le seum. Novo ramène du seum. Pour l'instant y'a pas de somme. Pas de scène, pas de signature. Moi je te donne sa nature. Déguste le beau sang dans la ture. Oui, le rap sature. Tu veux nous tester, ça sera dur. J'aime quand t'as me dit ça tue. Pour les jamais dans son satire. C'est pas je me suis assez tu.